Elle ira jusqu'au bout, dit-elle. En attendant, c'est la justice qui doit se prononcer. La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, certifie que la jungle de Calais sera démantelée très prochainement. En attendant, le tribunal administratif de Lille examine en ce moment une procédure d'urgence déposée par des associations pour suspendre l'évacuation. La campagne présidentielle américaine, qui n'a pas encore touché le fond, les candidats creusent encore. Nouveau témoignage cette nuit, témoignage de deux femmes qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de Donald Trump. L'une d'elles participait à une émission de télé-réalité animée par le candidat républicain. Donald Trump parle de complot. Pourtant, Antoine Boyer, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC aux États-Unis. Pourtant, Antoine, vous avez pu rencontrer une autre participante qui raconte la même chose et surtout qui donne un conseil aux Américains. Fuyez Trump. Quand Tara Dodel revoit Donald Trump lui dire qu'elle est renvoyée de son émission de télé-réalité The Apprentice, l'émotion est là. Ça fait toujours un peu bizarre de me voir me faire virer à la télévision. Mais 11 ans plus tard, elle a un message pour les Américains. N'embauchez pas Trump, il aurait dû être renvoyé depuis longtemps. Pendant The Apprentice, Tara se souvient de quelqu'un de gentil, de professionnel, mais déjà, il avait un comportement étrange avec les femmes. D'autres femmes de l'émission m'ont rapporté des propos de Donald Trump. Il leur a dit des choses vulgaires sur des parties de leur corps, mais aussi sur ses propres organes génitaux. À moi, ça ne m'est pas arrivé. En tant que femme, en tant qu'afro-américaine, en tant qu'américaine, tout simplement, Tara Dodel ne veut pas le voir devenir président. Je pense que Donald Trump ne devrait pas être président des États-Unis, car il ne connaît pas les sujets importants, il divise le pays et il a déjà abusé des femmes par le passé. Elle votera donc Hillary Clinton. Le reportage aux États-Unis de l'envoyé spécial RMC, Antoine Boyer. Puis en France, la bêtise n'a parfois pas de limite chez nos ados. Connaissez-vous le jeu de l'escalier? C'est tout simple, c'est idiot et c'est dangereux. À Gennevilliers, jeudi dernier, 11 élèves ont été blessés et 7 collégiens ont été mis en examen. Claire Andrieux, que leur est-il exactement reproché? Eh bien, certains sont soupçonnés d'avoir bloqué le bas de l'escalier au moment de la pause, d'autres d'avoir poussé leurs camarades depuis le haut des marches. Au moment où ceux du bas se sont brutalement écartés du passage, beaucoup d'élèves qui étaient coincés sont tombés en avant, parfois piétinés par ceux qui se trouvaient derrière. Deux autres collégiens sont également mis en examen pour avoir filmé cette bousculade. Tous sont des élèves de 4e et 5e. Ils ont été interpellés jeudi matin à leur domicile par la police et ils sont désormais mis en examen pour violence volontaire en réunion dans un établissement scolaire. Ils sont rentrés chez eux hier soir et ils seront jugés ultérieurement par un tribunal pour enfants. Dans la bousculade, 11 de leurs camarades ont été blessés, parfois grièvement. 4 de 6e ont eu des fractures au niveau des jambes et des bras. Les précisions de Claire Andrieux, 8h06 sur RMC. Passer de la lutte pour le maintien, se sauver in extremis et être aujourd'hui sur le podium de Ligue 1. Toulouse est sur son nuage depuis la fin de saison dernière. Victoire 3-1 sur Monaco hier soir. Toulouse, 3e. Et c'est tout à fait normal pour le défenseur Christopher Julien. Je pense que cette place qu'on a, on l'a volée à personne. Et on voit que quand on est concentré, on est bon, on gagne. Et pour moi, ce classement, c'est pas du tout une surprise. Parce que, comme je l'ai dit, on est une équipe ambitieuse et on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Et au-dessus de Toulouse, on ne retrouve pas Paris, pas Marseille, pas Lyon, non, mais Nice, leader. 4 points d'avance en tête du championnat. Les Aiglons ont d'ailleurs battu Lyon hier soir 2-0. Et l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, se fait un petit peu de soucis. Si on n'est pas inquiet, c'est qu'on n'est pas responsable. Dans le jeu, on se doit de faire beaucoup mieux. En termes de points, on est largement en retard sur notre tableau de marche. Donc, si tous ces signaux-là ne m'inquiétaient pas, ça serait inquiétant pour moi. Et la suite de la 9e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui. Ça commence à 17h avec Nancy, Paris Saint-Germain. Le rugby et l'élite européenne se retrouvent à partir d'aujourd'hui. Le début de la Challenge Cup, la Coupe d'Europe, Toulon, Castres, Toulouse et Montpellier seront sur la pelouse cet après-midi. Mais il y a un autre sujet qui occupe les esprits. Les rugbymen ressemblent de plus en plus à des footballeurs. Et oui, notamment concernant leur comportement avec les arbitres, Vincent Delzisco. Bras levés, paroles déplacées, gestes d'énervement, les décisions des arbitres sont de plus en plus sujettes à contestation. Le manager bordelais, Raphaël Ibanez, tire la sonnette d'alarme. Je trouve que c'est pénible et c'est inutile et c'est contre-productif en plus pour l'équipe. Pourtant, son centre Julien Rey conçoit les réactions des joueurs. Souvent après aussi les décisions arbitrales sont étranges, notamment au niveau de la vidéo. Je comprends que les joueurs, quand ils ressentent une injustice, voilà, essayent de faire changer d'avis l'arbitre. Sauf qu'en cas d'abus, les hommes au sifflet n'hésiteront plus à sanctionner. Franck Massiello, le patron des arbitres. Nous avons demandé aux arbitres d'être rigoureux avec ces cette contestation, quitte à aller jusqu'au carton jaune quand il y avait trop de contestations. De quoi se rapprocher un peu plus encore du modèle du football. Le reportage de Vincent Delzesco, 8h08 sur RMC. Les courses pour terminer, François. Avec un tiers écarté quinté plus cet après-midi à Auteuil, Thomas et Sébastien Darras nous conseillent le 2 Adagio des Bordes et le 8 Bullet Tous. Brahim Asloum aime bien le 7 Greenamix et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 10 Lord Liffard. Hélas, Silver Axe. Le 2, le 8, le 7, le 10 et l'As. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, ce sera votre rendez-vous maison. 2 heures dédiées au bricolage, à la maison, à la déco, avec Christian Pessé à mes côtés. Et vos questions maintenant maison au 32-16. A tout de suite, on est là dans une minute. RMC. Le cyclamen me donne des envies de poésie. Cyclamen, mon ami. Alors qu'à l'automne, d'autres plantes sont endormies. Toi, tu es plein de vie. Vous allez être ravis. Car chez Gamme Vert, jusqu'au 15 octobre, le mini cyclamen en pot de 10 cm et demi est à 1,95€. Oui, 1,95€. Gamme Vert, le goût du jardin. Différents coloris, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Et entre nous, une bonne côte de porc, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, Michel. Et jusqu'à demain chez Carrefour Market, pour 2 plateaux de côte de porc origine France achetée, le moins cher des 2 est gratuit. Avec un peu d'herbe de Provence, je vous dis que ça. Ok, je les prends les côtes de porc. Oh, et vous avec pour me les préparer. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Market, c'est moins 10% sur toute la boucherie. Crédité sur votre carte de fidélité. Porc côte avec os à griller, le plateau de 8 pièces minimum, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Aujourd'hui samedi, nouvel arrivage chez Electro-Dépôt. La machine à gazéifier SodaStream et sa recharge est à un prix électro-dingue de 39,98€. Dépêchez-vous, il n'y a que 290 pièces. Electro-Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Détail de l'offre en magasin. Electro-Dépôt est la meilleure chaîne de magasins multimédia et électroménagers de France. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Eh oui, ça continue! Le faux filet de bœuf 3 étoiles à griller, Jean Rosé, Origine France, est à seulement 9,50€ le kilo. Oui, 9,50€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, faux filet 3 étoiles à griller, à partir de 1,5 kg environ. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Et nous y voilà, il est 8h11, c'est RMC, le week-end des experts se poursuit après le jardin, place à la maison avec Christian Pesset. Bonjour monsieur Pesset. Bonjour monsieur Sorel. Comment va le roi du bricolage? Ben ça va, mon royaume se porte bien, votre royaume sont contents. Oui, ouais. Pas trop de vis dans ce royaume du bricolage? Non, faites attention, On prend pas trop de coups. Bon, très bien. Christian Pesset, vous le savez, est notre expert maison. Il est là chaque samedi 8h-10h sur RMC. Un rendez-vous exclusif. Tout à fait. Seul RMC vous propose 2 heures dédiées au bricolage à la maison, la déco le samedi. Tout à l'heure, Christian, entre 9 et 10, on va se réchauffer. Oui, on va parler chauffage parce que ça commence à être un peu frisqué dans certaines régions, ou le matin en tout cas, et le soir aussi. C'est normal, Alors l'hiver approche, et bien on va s'intéresser au chauffage et on va se demander est-ce qu'il faut entretenir la chaudière, les radiateurs, faut-il ramener la cheminée, peut-on en profiter pour poser des robinets thermostatiques, améliorer l'installation et puis par exemple poser un récupérateur de chaleur sur conduit. Tout cela, on le verra avec nos invités tout à l'heure. Exactement. N'hésitez pas. Ce sera entre 9 et 10. Donc posez vous avez vos questions. Des questions en chauffage, dès maintenant, vous pouvez nous appeler. Et puis d'ici là, bien entendu, le 32-16 pour toutes vos questions bricolage maison déco, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on va vous offrir un laser automatique 360 degrés. Vous vous dites, mais à quoi ça sert ce truc-là? Je vous expliquerai. Pas de panique, Christian va vous expliquer. Vous verrez que c'est vraiment un outil pratique, oui, mine de rien. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce rendez-vous maison sur RMC. Et c'est Josiane qui est là. Bonjour Josiane. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vous écoute tous les samedis et je trouve votre émission extraordinaire. C'est sympa. Voilà, c'est donc alors vous, je vous plaisir. Appelle pour vous. Enfin, je vais faire comme si c'était moi. Oui. Voilà, j'ai une cloison que j'ai abattue entre deux pièces. Oui. Donc, d'un côté, j'ai un carrelage qui est qui est existant, et de l'autre côté, ça me paraît être un sol en ciment. Voilà, oui. Je vais vous poser un lino que j'ai hélas déjà acheté, donc je suis obligée de le poser, et j'ai peur que même en faisant un réagréage, les défauts apparaissent. Ah, voilà. Bah écoutez, d'abord lino, vous voulez dire peut-être un revêtement PVC, un revêtement voilà, vinyle. Ça, c'est ça. Voilà, ça, oui. On appelle lino, mais enfin, j'aurai l'occasion de revenir sur l'intérêt du lino un jour prochain. Oh, je vous ai écouté, je sais parfaitement de quoi il s'agit, mais je m'exprime mal. D'accord, non, mais c'est bah, écoutez, non, oui. Bien sûr. Alors, vous, un ragréage, si vous faites un beau ragréage, y compris un ragréage fibré, si vous avez peur que ça ne tienne pas aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça s'appelle fibré. Oui, fibré, c'est plus costaud, si vous laissez. Ah. Bon, donc ça, à mon avis. Parce que ce que vous avez peur, c'est que les joints du carrelage ressortent sur un... Exactement. Donc, bien, un agréage pourra tout à fait convenir, mais sinon, vous pouvez aussi poser une sous-couche épaisse, hein, ça marche. Il vous faut une sous-couche épaisse de 5 mm à peu près à ce moment-là. Il y a des choses tout à fait intéressantes en liège, ou des produits à base de mousse caoutchoutée et ça va le faire comme on dit en Normandie, donc il y a pas de souci. Alors à l'extrême limite, si vous aviez vraiment des différences de niveau, vous n'avez pas quand même plus de qu'est-ce que vous avez comme vous avez une différence de niveau d'abord entre vos deux pièces ou pas? Oui mais ça on peut le rattraper, mais j'ai peur malgré tout que les défauts apparaissent à travers le lino, parce que j'ai déjà un lino où j'habite là, ouais. Et malgré il a été très bien fait, très bien posé, mais quelquefois c'est malgré tout il y a des petits on voit des quelqu'un peut-être. Ouais. Normalement vous ne devriez pas, si vous avez un vrai agréage, il devrait faire disparaître les creux des joints. Mais je vous dis, si vous mettez une sous-couche épaisse de 5 mm, vous n'aurez aucun souci. Alors après, il y a une autre solution qui consiste à complètement doubler le sol, par exemple avec des panneaux. Et là, vous n'aurez pas avec du panneau de fibre dure, par exemple. Et là, vous n'aurez aucun souci. Mais je pense pas que vous ayez besoin d'aller jusque là. Non, parce que ça, en plus, c'est très cher tout ça. Ah bah oui, évidemment. Mais sous-couche liège, 5 mm et ça le fera. Est-ce qu'il y a de bizarre, vous me dites liège, mais le liège c'est élastique un peu. Donc, non, mais là ce sont des lièges haute densité, c'est pas du liège, je dirais naturel au sens, oui. C'est pas simplement l'écorce de l'arbre là. En fait, ce sont des poudres de liège qui sont agglomérées. Vous savez, on a perdu l'utilisation, parce que là vous me parlez de sous-couche, on parle, oui, de sous-couche, mais même, oui, le liège en tant que revêtement de sol, c'est extraordinaire. Moi j'ai eu ça autrefois à une époque où c'était un peu plus à la mode, et j'ai eu ça notamment dans une cuisine, dans une salle de bain, et on dit toujours ah oui mais dans le liège avec l'humidité, ben non, au contraire, le liège c'est formidable parce que c'est complètement imperméable, évidemment, sinon on n'en prendrait pas pour moucher les bouteilles. Et oui, c'est vrai. Donc bon. Voilà, mais c'est un autre sujet, puisque vous avez déjà votre revêtement PVC. Allez, hélas, sous-couche. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et une prochaine fois. Merci. Mais avec plaisir. Au revoir. Sans aucun doute, Josiane, n'hésitez pas à nous rappeler. Et dans un instant, nous allons accueillir Nasser qui voudrait changer ses fenêtres pour du double vitrage, un classique. Bon sujet. On en parlera. Il va y avoir équipe B prochainement. Et puis on parle de chauffage, mais le chauffage aussi passe par une bonne isolation de la maison. Ça, c'est indispensable. Et voilà. Donc on ça va en parler par là. Dans un instant avec Nasser. Le 3216, maison@rmc.fr. A tout de suite. RMC, 8h-10h. Votre maison. À la rencontre des boulangers Banette. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis avec Eric dans sa boulangerie. Alors, Eric, comment faites-vous pour faire des pains qui ont du goût? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous vous y connaissez en vin? Oui, enfin, mais là, j'avoue, c'est un peu tôt pour moi. Ouais, je m'en doute. Alors, c'est simple, le bon pain, c'est comme le bon vin. Tout est dans l'art de la fermentation. Les arômes se créent pendant que la pâte fermente. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec les méthodes Banette. Elles sont à base de fermentation lente, pour laisser tout le temps aux arômes de se développer et obtenir un pain qui a naturellement du goût. Vous voyez? Oui, je vois surtout que vous êtes intarissable sur le sujet. Ah, je vous ai saoulé. Ah non, je buvais vos paroles. Ah, bon. Banette, chaque jour, s'engager par amour du pain. Allez, messieurs, dames, c'est la fête du bois. Venez admirer toute la gamme d'outils de jardin style. Noël et profitez de 10 euros offerts par tranche de 100 euros d'achat. Vous pourrez voir le spectacle incroyable des ateliers d'affûtage et manipuler à main nue les tronçonneuses, les tailleurs et les souffleurs. La fête du bois du 15 octobre au 15 novembre. La fête qui va envoyer du bois. Style, la performance est notre exigence. Pour connaître votre revendeur le plus proche, rendez-vous sur style.fr, voir conditions au magasin. Bonjour Samuel, voilà, je suis aficionado depuis 3 ans. Bonjour Samuel. Je suis accro, mais comment ne pas l'être? Imaginez, plus de 1000 produits du quotidien au prix le plus bas du hard discounter, c'est imbattable. Bravo Samuel. Netto, le discounter qui fait la différence. Voir modalité en magasin et sur netto.fr. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. RMC jusqu'à 10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. C'est RMC, le week-end des experts, la maison. Dans un instant, on va vous expliquer ce qu'on vous offre. Vous savez que chaque samedi matin, dans ce rendez-vous maison, on vous offre un cadeau sympa lié à la maison et au bricolage. On vous en parle dans une minute. Mais auparavant, c'est Nasser que nous accueillons. Bonjour Nasser. Oui, bonjour François, bonjour Christian. Oui, bonjour Nasser, bonjour. Merci, merci de m'accueillir. Donc voilà, ma question c'était, donc on l'a dit, hein, je voudrais changer de mes fenêtres simple oui. vitrage, hein, qui sont des vieilles fenêtres. Alors la maison est de 69. Oui, je connais. Les fenêtres, c'est du bois, du chêne, qui sont oui. en très bon état. Oui. Mais voilà, donc c'est une première motivation, c'était l'isolation thermique. L'hiver, bon, ça, enfin vraiment, l'air qui passe. Voilà, et donc, j'ai fait venir plusieurs artisans, et je suis un peu perdu, parce que, donc j'ai cru comprendre, il y avait deux possibilités, soit la rénovation, soit la dépose totale. Oui. Tout vous dire, en fait, tous m'ont proposé la rénovation, sauf un, qui paraissait plutôt convaincant. Oui. Et puis aussi, alu ou PVC, voilà, donc à la base, j'étais parti, comme tout le monde, sur du PVC, mais finalement... en réfléchissant, on voudrait éviter le PVC blanc qui nous plaît pas. Voilà, moi, ça m'a jamais plu. Et j'ai cru comprendre que pour la couleur, il y avait un surcoût. Et est-ce qu'il n'y a pas plus intérêt de passer directement sur de l'alu où plusieurs couleurs sont, oui. sont proposées, quoi. Alors, première question, donc, première partie de votre question, en rénovation ou en remplacement total, y compris du dormant. Alors, y a pas photo, hein, pour une véritable efficacité, pour une efficacité optimale, il faut déposer l'ancien dormant et repartir, donc le dormant c'est le cadre, hein, et repartir donc à zéro, c'est-à-dire remplacer à la fois le dormant et l'ouvrant, et ça, je sais bien que aujourd'hui, on a tendance à vous proposer toujours de la rénovation, c'est-à-dire on garde le dormant, on garde le cadre, parce que c'est plus simple, et puis parce que c'est moins cher. Mais pour une véritable rénovation énergétique et aboutissant à l'absence de pont thermique, eh bien, il y a pas photo, c'est la meilleure des solutions. Donc, c'est celle qu'un seul des professionnels que vous avez vu visiblement vous a proposé. Ça présente aussi un avantage, c'est que ça évite la réduction de surface, puisque lorsqu'on vient rapporter donc une fenêtre sur un dormant existant, eh bien on perd aussi de la surface de la fenêtre. Donc il y a pas de discussion, c'est possible, hein, vous pouvez être en rénovation, hein, c'est pas impossible, c'est pas catastrophique, mais si vous me demandez de choisir, je vous dirais remplacement, dépose de l'ancien dormant, on repart sur quelque chose de très propre. Ensuite, en termes de matériaux, le PVC est très efficace en termes de d'isolation, on va dire, mais il présente lui aussi l'inconvénient généralement de vous réduire la surface vitrée. Et puis vous avez à juste titre évoqué la question de la couleur. Alors si vous voulez quelque chose qui soit à votre choix véritablement en matière de couleur, là encore, il n'y a pas photo, eh bien ce sera opté pour l'alu, qui présente aussi un avantage non négligeable, c'est que si vous avez des baies importantes, eh bien la rigidité sera bien meilleure que celle du PVC. Quant aux couleurs, là, elles tiennent parfaitement maintenant avec donc les procédés de thermolaquage qui existent en matière d'aluminium. Prenez des matériaux qui sont bien labellisés, notamment Calicote pour ce qui est de la couleur. Oui, l'alu c'est mieux, c'est plus cher. D'accord. Si je peux me permettre, au niveau de l'isolation, donc je comprends qu'il y avait une différence en faveur du PVC, mais est-ce qu'elle est vraiment, enfin cette différence, parce que j'ai vu aussi que maintenant il y avait des ruptures de plomb thermique sur les fenêtres à nu, est-ce que vraiment elle est significative Vous aurez la même performance. Vous aurez la même performance avec de l'alu. De toute façon, c'est obligatoire pour ensuite pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce que je veux dire, c'est qu'au rapport qualité-prix, on obtient plus facilement une isolation optimale avec du PVC qu'avec de l'alu, qui va être beaucoup plus cher. Mais sinon, la qualité sera la même en matière d'isolation. Ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Voilà Nasser. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre appel. Si tout comme Nasser, vous vous logez un Christian PC, c'est le moment ou jamais. Ça se passe au 32 16. Christian, oui. Attention, le cadeau que nous offrons ce matin à vous qui nous écoutez, on vous offre un laser automatique 360 degrés. Oui, alors un laser automatique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, c'est pas le laser de Luke Skywalker, quand même. Non, quand même pas, mais non. C'est quelque chose qui est posé sur pied, d'abord, un trépied, et qui, ensuite, va permettre de vous tracer des lignes virtuelles avec un laser. Alors, donc, ça va vous tracer des lignes horizontales prioritairement, mais aussi des verticales. On peut même avoir des réglages d'angle. Mais l'intérêt, c'est quoi? Alors, initialement, l'intérêt principal du laser, c'est de permettre de déterminer une ligne horizontale de référence, par exemple... Qui sera bien droite. Qui sera parfaitement droite, et qui permettra ensuite d'ajuster, par exemple, lorsque vous faites une chape, lorsque vous faites une dalle, une chape, ça vous fera un niveau de référence. Ensuite, partout, vous pourrez calculer. D'accord. Traditionnellement, on la trace, vous savez, au bleu, c'est-à-dire avec un cordeau et avec ce qu'on appelle un niveau à fiole ou à eau. Alors, c'est un petit peu compliqué, Là, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça, c'est pour véritablement l'utilisation, je dirais, un peu professionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on fait des gros travaux. Mais ça vous permet aussi des quantités d'autres applications dans la maison. Par exemple, si vous voulez aligner des tableaux. Ah oui, tout simplement. Si vous voulez aligner des tableaux. Si vous voulez aligner, par exemple, une simèse, vous savez, une baguette pour... Exactement. Vous allez avoir immédiatement votre niveau qui va se tracer. Et puis pour les verticales aussi, par exemple, pour aligner un lait de papier peint. Vous n'aurez plus besoin du fil à plomb. On vous offre donc ce laser plus le trépied qui va avec, un joli cadeau d'une valeur de 170 euros environ. Et on vous offre ça par SMS, les amis. Il suffit de nous envoyer le mot maison par SMS au 73216. Maison par SMS au 73216. Et ça vous est offert par RMC évidemment et le magazine Système D. On revient dans un instant, Christian, la météo, les infos. Et on repart avec vos questions bricolage maison déco. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. Allô ma belle, devine où je suis. Ah, ton nouveau cours de yoga. Non. Séance de shiatsu. Non, toujours pas. Bon, écoute, il y a des Opel partout et des offres exceptionnelles à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Oh, je sais, le mondial de l'auto. Presque. Le salon de l'auto. Non plus. Oh, bon, je sais. Chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 €. Oui, 7 690 €, avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. Le lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2000 euros d'achat, 200 euros vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre a son grand âme dû consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Store! Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.

Attention, Cricri, il est temps de retrouver une question flash. Ah oui. En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Jeanne. Oui. J'habite un vieil appartement dont les fenêtres en bois sont assez vétustes, Christian. Comment éviter les courants d'air autrement qu'avec du papier journal? Alors on va voir ça, mais ça, cette question commençait comme une chanson de Charles Aznavour. J'habite un vieil appartement. Oui. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Bien, à part ça, mais évidemment, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui d'avoir... pas forcément les moyens de changer leur fenêtre. Alors, oui, c'est vrai que le papier journal, c'est pas très efficace. Bah non. Et puis ça dure pas très longtemps. Donc, il faut créer donc des joints étanches à l'eau et à l'air, les deux. Alors, on a quoi? On a deux grandes solutions. Je dirais de faire des joints rapportés, alors qui se collent, vous savez, dans la feuillure du bâti, c'est-à-dire du cadre de la fenêtre et pas sur la fenêtre elle-même. Hein, enfin, et qu'est-ce qu'on a là? On a des rubans de mousse. Oh, c'est pas très durable, c'est pas cher du tout, mais ça dure une saison, puis c'est tout. Après, on a des joints en caoutchouc ou PVC rainuré. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, on a aujourd'hui une nouvelle génération qui apparaissent, qui sont à base de silicone. Ce sont des joints creux, qui ont un fort pouvoir d'écrasement et de reprendre une mémoire de forme, on va dire. Hein. Et donc, ça, c'est quand même beaucoup mieux. Alors sinon, bah, l'autre solution sont des joints moulés, donc à base, cette fois, de mastic silicone. Oui. On dépose un cordon de mastic, une bande anti-adhérente ensuite. On ferme la fenêtre et puis on laisse prendre et on déboule. Je veux dire, à peu près 24 heures plus tard. Alors, dans tous les cas, il faut bien nettoyer, brosser, laisser sécher la feuillure du bâti pour que le joint, qu'il soit auto-adhésif ou bien en mastic, eh bien, puisse adhérer correctement. Voilà. Et toutes vos questions maison dès maintenant sur RMC 3216. À tout de suite. RMC, c'est au 3216. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Le roi du bricolage est là, les amis, comme chaque samedi. Attention, faites place à... Christian Pesset. Voilà, c'est lui. Merci. Il s'autoproclame. C'est moi, je m'autoproclame. Non, mais c'est bien. Ah, mais c'est... On n'est jamais mieux servi. Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Christian. Oui, tout à fait. Bon, et Christian Pesset, vous le savez, est incollable dans le domaine de la maison. Et modeste en plus. Et modeste en plus. Vous pouvez essayer de le coller, vous n'y arriverez pas. Mais tentez, 3216 ou maison@rmc.fr par mail. Si vous nous joignez par mail, n'hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone. C'est votre rendez-vous dédié à la maison chaque samedi. Tout à l'heure, entre 9 et 10, Christian, on va parler de chauffage. Oui, préparation. Comment améliorer en fait son chauffage? D'abord, à la bien, maison. Bien préparer le chauffage à la veille de l'hiver, l'entretenir et puis aussi l'améliorer à travers des possibilités, notamment les fameux robinets thermostatiques que vous connaissez tous. Et puis... un thermostat programmable centralisé connecté aujourd'hui et puis aussi pourquoi pas installer un récupérateur de chaleur et diffuser de la chaleur sur d'autres pièces. C'est une bonne solution surtout lorsqu'on fait, comme c'est un peu la mode, l'installation d'un poêle central par exemple dans la maison, un poêle à bois, et donc ça permet ensuite de redistribuer par exemple sur des chambres à l'étage ou dans les pièces voisines. On en parle tout à l'heure entre 9 et 10 et bien sûr toutes vos interrogations hein, sur ces installations de chauffage dès maintenant. 3216 ou maison@rmc.fr. Mais d'ici là, place à vos appels et nous accueillons Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Christian, bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour, bonjour. Voilà, j'avais une petite question à vous poser. Je suis en train de refaire ma salle d'eau. Oui. Et donc, je me pose la question concernant l'électricité. Je voulais savoir s'il y avait des normes à respecter, surtout en distance, par rapport au plan vasque où j'ai mis deux lavabos dessus. Alors, il y a seules les distances, si vous voulez, avec la baignoire ou la douche, sont réglementées en matière de distance. C'est donc cet équipement qu'il convient de prendre comme référence. Et là, la référence classique, mais précisée encore aujourd'hui et un peu simplifiée, c'est pas de prise, sauf pour en TBTS, c'est-à-dire en très basse tension. tension, alimentée par un transformateur de sécurité. Rien dans d'autre dans un espace qui est de 60 cm autour de la baignoire ou de la douche et sur 2,25 m de haut. C'est ce qu'on appelle le volume 2. Au-delà de 60 cm, il n'y a pas de restriction, si ce n'est qu'on ne posera pas, par exemple, une prise à l'aplomb d'un lavabo, c'est-à-dire juste au-dessus d'un lavabo. On va tâcher de la décaler, mais il n'y a pas véritablement de restriction dans ce domaine, sauf au fait que, évidemment, une prise doit être alimentée, ce qu'on appelle par un dispositif différentiel, 30 milliampères, évidemment, raccordé à la terre, ça va de soi. Donc voilà, vous n'avez pas... C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une vasque, vous avez votre vasque, elle est à 60 cm de la baignoire, vous ne pourrez pas poser de prise entre, sauf dans des conditions extrêmement précises, je l'ai évoqué, notamment de tension, entre la baignoire ou la douche et votre vasque. En revanche, si votre vasque, elle est à, le bord droit de votre vasque est à plus de 60 cm de la baignoire ou de la douche, eh bien, vous pourrez faire ce que vous voulez, pratiquement, dans les limites de ce que j'ai dit. Ok, bah c'est le cas, effectivement, la vasque est à plus de 60 cm, donc je peux mettre une prise à un petit peu moins de 60 cm du plan vasque. Voilà. Une distance de sécurité. Non, même pas du plan vasque, ça c'est de la sécurité que vous donnerez. Vous pouvez mettre à l'aplomb du bord droit, par exemple, de votre vasque, vous pouvez avoir une prise sans aucun souci. Avec la terre, bien sûr. Avec la terre et un disjoncteur, par exemple, divisionnaire, 30 milliampères. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup. Bah voilà. Et bon travaux, Fabien. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Enfin. À bientôt. Voilà, ici, tout comme Fabien, vous êtes en train de refaire des travaux dans votre maison ou vous apprêtez peut-être à entamer ces travaux. N'hésitez pas, vous avez des interrogations, forcément. Christian Pessé est là pour ça, le 3216 ou maison@rmc.fr. Nous sommes là tous les samedis, 8h, 10h. On accueille maintenant... Chryslaine. Bonjour Chryslaine. Bonjour. Bonjour Chryslaine. Bonjour. C'est l'acronyme de Christelle et d'Hélène, non? Chryslaine. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on prononce Chryslaine, vous l'avez bien prononcé. C'est bien. Parfait. Je vous remercie. Et on vous écoute. Voilà, ma question était celle-ci. L'année dernière, j'ai fait poser par un professionnel un sorban qui donne sur une terrasse. Et donc j'ai une garantie de 2 ans, ce qui est indiqué sur la facture. Ce Storban a été posé en juillet 2015. Et cette année, au moment de l'ouvrir, j'ai observé que la fixation, un des côtés de la fixation avait bougé. Donc j'ai appelé ce professionnel qui est venu à mon domicile et qui, lui, me dit qu'en fait, ce n'est pas... Lui, il a fait son travail correctement et que ce n'est pas de son ressort, mais tout simplement mon mur qui est en pierre, c'est un vieux mur. Hein. Oui. Et il me propose de repasser avec son huissier pour constater, en fait, qu'il a bien fait son travail et que ça... Le vis, si vous voulez, enfin le litige, dépend de ma maison, du monument à maison, et pas lui de son travail. Alors, j'appelais à ce sujet, savoir si j'avais quand même ressort. Alors, j'ai bien une assurance qui peut s'en occuper, mais pour l'instant, ce que je voulais savoir, si lui était responsable ou pas. Voilà. Mais évidemment, c'est pas de la faute du mur et c'est pas de votre faute. L'analyse est simple. Il est venu, vous lui avez demandé de poser un store sur un mur. C'est à lui de juger si la maçonnerie est capable ou non de soutenir votre store. En plus, il y a de multiples solutions lorsque les murs sont fragiles pour faire malgré tout un scellement, par exemple un scellement chimique qui normalement ne devrait pas poser de problème. Donc, c'est tout simplement sa fixation, soit sa fixation qui est insuffisante, soit le travail qu'il a effectué qui n'est pas correct. Faut pas que vous laissiez impressionner qu'il va venir avec un huissier. Je pense que d'ailleurs, ce qu'il ferait avec un huissier, qu'est-ce qu'il peut faire? Non mais attendez, l'huissier pourrait tout juste constater que ça tient pas. L'huissier il va pas analyser. Ce qu'il vous faudrait à ce moment-là, c'est un expert. Donc Donc, de toute façon, vous pouvez lui renvoyer déjà une lettre recommandée accusée de réception, mise en demeure de fixer correctement son store dans la maçonnerie, dans le mur. Vous n'entrez pas dans les détails. Ensuite, effectivement, si vous avez en plus une assistance défense recours avec votre assurance, il faut pas vous gêner. Il faut marcher, marcher votre assurance. Sinon, même si votre assurance rechignait, bien vous commettez un expert vous-même. Et puis ensuite, vous assignez votre l'entreprise auprès du tribunal d'instance pour que, en plus c'est gratuit, enfin ou pratiquement gratuit, un petit cautionnement maintenant, mais c'est pratiquement gratuit. Vous n'avez même pas besoin d'avocat et là, au besoin, le tribunal commettra lui-même un expert. Donc qui sera à la charge du perdant et le perdant ce sera lui. Donc dites-lui que c'est pas grave, que s'il veut pas le faire, eh bien vous lui dites oralement que vous n'hésiterez pas à aller au tribunal d'instance et que vous n'hésiterez pas surtout à faire jouer votre assurance. Commencez déjà par aller voir votre assurance. Ça vous donnera l'occasion de voir si votre assurance fonctionne bien, parce qu'on souscrit souvent ce type de contrat et puis quand il faut le faire marcher, c'est plus compliqué. Donc ça vous permettra aussi de tester la qualité de votre contrat d'assurance et de votre assureur surtout. Merci Chrislaine, 8h43. Christian revient dans un instant. Christian et Chrislaine, ça sonne bien ça. Oui, n'est-ce pas, Allez, le 32-16 ou bien maison@rmc.fr. On est là dans une minute, à tout de suite. RMC, 8h-10h. Votre maison. Et si on installait la fibre chez moi de A à Z? Moi, quand je suis passé à la fibre d'Orange, un technicien est venu chez moi tout installer. Ah bah moi, il a connecté la Livebox, le décodeur et il a paramétré mon ordinateur. Ah, pour moi, il a fait comme pour vous, mais en mieux. Ah ouais, c'était gratuit. Bah nous aussi, qu'est-ce qu'il croit? Avec Orange, un technicien vous installe la fibre 100% fibre et vous accompagne dans la prise en main de vos équipements. Toujours un temps d'avance pour vendre service, pour approcher de l'essentiel. Orange, offre soumise à conditions en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité. Détails sur service.orange.fr. Du 8 au 18 octobre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus! J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit, c'est acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Ce qu'il y a de bien avec le saumon fumé, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisiner, ça plaît à tout le monde. Ça tombe bien, Michel, parce que jusqu'à demain chez Carrefour Market, il y a 50% d'économie avec la carte de fidélité sur une sélection de produits de marque, comme sur le saumon fumé de Norvège Delpierre. Des idées fraîches et des prix frais. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La plaque de 4 tranches 120 grammes, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tom Cruise et Jack Reacher. Jack Reacher, vous êtes une légende. Ses propres règles, son propre style. Restez zen. Et si je t'arrache le bras pour te massacrer avec? Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Jack Reacher, Never Go Back avec Tom Cruise. Mercredi au cinéma avec RMC. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 108 Style, la citadine compacte, avec climatisation, radio Bluetooth et projecteur anti-brouillard, à un prix très compact. Pendant les immanquables Peugeot, la 108 Style est à partir de 99 € par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Il est 9h moins le quart. C'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est la maison. Notez que tout à l'heure, entre 9 et 10, on va parler chauffage. Peut-être votre système de chauffage commence à être vieillissant. Eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Christian, mais aussi n'hésitez pas à nos invités. Voilà, l'entretien aussi du chauffage. Peut-on faire poser, par exemple, un thermostat programmable connecté? Peut-on mettre en place aussi un récupérateur de chaleur? Enfin bref, on va évoquer tous ces sujets entre 9 et 10. Et dès maintenant, donc, vos questions au 32-16. Christian, d'ici là, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour les experts. Bonjour. Bienvenue. Ça va bien. On vous écoute. Vous en prie. Merci. Alors voilà, moi la question est toute simple. J'ai un de mes amis qui est en train de faire fabriquer sa maison en Isère et on lui a proposé de l'isoler par l'intérieur. Alors on parle souvent de laine de verre et laine de roche et là on lui propose de la mousse de polyuréthane projetée. Alors je voulais savoir ce que vous en pensiez. J'en pense le plus grand bien, c'est tout à fait efficace. Bon alors, les puristes écolos ont encore des doutes sur les polyuréthanes. Même si plus que de doutes ont été levés, je dirais que, alors d'abord c'est extrêmement efficace puisque on a des ce qu'on appelle le lambda, on a des lambdas de 0,22, des choses comme ça, 0,022 comparé à du 0,034 ou 40 quand on est simplement avec de la laine de verre ou de la laine de roche épandue sur le sol du grenier. Maintenant, ça répond quand même à des contraintes, à des obligations. On fait pas ça n'importe où, n'importe comment. Donc ça dépend aussi où vous voulez mettre votre laine projetée, votre polyuréthane projeté. Quelle est la configuration? Vous voulez le mettre où? Parce que c'est pas aussi simple d'abord que ça à poser. Il faut du matériel. Ça a l'avantage d'être moins épais puisqu'avec une vingtaine de centimètres vous arrivez tout à fait à quelque chose de correct en paroi. C'est quoi? Où vous voulez mettre votre polyuréthane? Alors c'est pour un ami qui fait construire en hiver. Ils lui ont proposé en fait de mettre ça au niveau des murs et de mettre ça a priori au niveau du plancher également. Plancher, je vois absolument pas l'intérêt. Mur, oui, parce que vous perdez moins de place. Ça peut même se mettre sous rampant, mais c'est le plus généralement l'intérêt, c'est en mur. Au sol, je vois pas. Au sol, vous mettez. Si vous voulez mettre du polyuréthane, eh ben au sol, vous avez des panneaux extrudés qui conviennent tout à fait. Il y a aucune raison de projeter au sol. Je sais même pas si ça se fait d'ailleurs. Alors là où c'est très intéressant aussi, c'est en vide sanitaire. En vide sanitaire où on a souvent très peu de place en hauteur, ça se projette. Donc ça colle directement sous le plancher. Hein. Ça c'est très intéressant. D'accord. Et il propose une durée de vie, en fait, qui est quasi illimitée. Mais tous les isolants ont une durée de vie quasi illimitée. Simplement, ce qui arrive, c'est que lorsque vous êtes avec des laines, ça a une petite tendance au tassement, petite, hein, parce que généralement, on dit, la laine de verre, c'est assez, elle fait plus que 15 cm. Ben, généralement, c'est parce qu'il y en avait 18 à l'origine, quoi. 25 ans avant, alors ça donne l'impression de se tasser. Il y a un peu un tassement, mais il est pas majeur. Ensuite, en tant que performance de l'isolant lui-même, il est dans de bonnes conditions, c'est-à-dire s'il n'est pas mouillé pour ce qui est de la laine minérale ou végétale ou animale, eh bien l'isolant perdure. L'avantage là, effectivement, c'est que c'est insensible à l'eau et c'est collé sur le mur. Donc on comprend bien que là il n'y a pas de problème de tassement, il n'y a pas de problème d'humidification. Donc c'est très durable, c'est très durable. Sauf que on va voir l'évolution, mais l'évolution des réglementations, ça aboutit souvent à l'augmentation d'épaisseur. Donc, à un moment, il faudra peut-être en rajouter. Mais oui, c'est un très bon produit, extrêmement efficace. C'est mis à part de nouveaux isolants dont j'ai déjà parlé, mais qui sont encore confidentiels, comme les isolants sous vide, comme un certain nombre de produits de nouvelle génération, qui là font véritablement un saut considérable en qualité. Le polyuréthane est aujourd'hui le meilleur des isolants en matière de performance, donc par rapport aux isolants classiques qu'on utilise. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Au revoir. À bientôt et bon week-end. Et si tout comme Nicolas, vous voulez joindre Christian PC, allez-y. C'est le moment ou jamais, 32-16. Il faut en profiter, je suis là pour vous. Et puis on peut me retrouver aussi sur maisonbrico.com, vous le savez. Le site incontournable dédié à la maison. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bienvenue Jean-Claude. Eh ben merci, c'est gentil de vous avoir, hein, parce que voilà. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben j'ai une pièce qui est une chambre située côté nord. Oui. Enfin la façade est très bien exposée, mais cette chambre elle est plus ou moins mal. Mais je veux dire, on a des problèmes d'humidité dans cette pièce. Oui. Parce que, bon, quand on a eu ces problèmes de quelques années des grosses fuites, là, j'ai tout refait. J'ai acheté un produit exprès pour l'humidité. Oui. J'ai mis de la toile de verre. J'ai repeint dessus. Ma femme, elle a toujours mal aux yeux. Et elle pense que ça va être l'humidité. Alors, on a acheté des produits, vous savez, qu'on vend dans les magasins pour l'humidité. Oui, mais ça ne suffit pas. Cette chambre est toujours humide. Non. Alors, d'abord, première chose, il faut que vous essayiez de voir pourquoi elle est humide. Alors, est-ce que vous avez changé vos fenêtres pour des fenêtres isolantes ? L'année prochaine. Vous ne l'avez pas fait encore ? Non, c'est bon. Les anciennes fenêtres Donc, en bois. Voilà, ce n'est pas un problème de condensation, parce que souvent, on change ses fenêtres, ça devient étanche, il y a une atmosphère qui est humide, et puis un mur froid, et voilà. Donc là, c'est pas forcément le cas. Donc, est-ce que vous avez des traces d'humidité ? Parce que vous me dites, vous pensez qu'elle est humide ou vous avez des traces ? Non. Bah alors, donc, enfin, ma femme, elle pense que... Attendez, je dis non. Il y a une trace derrière les montants du lit. Oui. Est-ce que ça vient peut-être du montant du lit, mais non. J'ai repeint avec une peinture acrylique, tout ça. Oui. Et c'est revenu. Par moment, ça sent, par moment, ça sent pas. Ça dépend... Alors, vous avez... de toute façon, je pense, même avec vos anciennes fenêtres, vous avez visiblement un problème de ventilation dans cette pièce. Oui. Donc, il faut déjà voir comment vous pouvez davantage la ventiler. Les petits produits dont vous parlez sont bien pour un carton à chaussures ou pour un placard, mais ne servent à rien dans une pièce. Voilà. Donc, je suis navré, je le dis depuis longtemps, mais c'est le cas. On peut aussi bien vous mettre maintenant un ventilateur, ça change rien. Hein, dans les petites boîtes, là. Hein. C'est pas ça qui va être significatif. Donc, si vous voulez vraiment baisser l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de cette pièce, vous y mettez un déshumidificateur électrique qui va, lui, vous assécher tout de suite. Hein. Allez, je vous coupe, excusez-moi. Oui, c'est ce qu'on avait l'intention de faire, mais c'était savoir si c'était bien les appareils qu'on fait maintenant, c'était bien valable. Oui, c'est tout à fait valable. En plus, c'est pas une grande pièce, donc vous n'avez pas besoin d'un matériel de grande capacité. Simplement, vous avez deux solutions pour le vider. Soit c'est l'huile de coude, si j'ose dire, c'est-à-dire vous videz le bac régulièrement. Soit vous avez la possibilité de raccorder l'appareil sur une descente d'eau à proximité, et vous faites un raccordement par gravité. Mais vous allez voir, quand vous allez installer ce matériel, vous allez voir se remplir le bac à vitesse grand V, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs litres d'eau qui vont être extraits chaque jour. Et donc, il faut un certain temps pour que la pièce soit véritablement assainie. Je donne souvent cette anecdote d'une expérience personnelle. Oui. J'avais un local à Paris près des quais de la Seine et qui était avec de la belle pierre apparente et qui était d'une humidité absolument incroyable, et j'ai mis un déshumidificateur électrique qui arrivait à tirer 5 litres d'eau ou plus par jour, vous m'entendez bien, par jour, 5 litres par jour, et il a fallu 3 ans pour que la pièce soit vraiment asséchée, assainie. Donc il n'en faudra pas autant dans votre cas, mais prenez un déshumidificateur électrique et vous allez voir que ça va régler votre problème d'humidité, si c'est bien un problème d'humidité. Il ne faut pas non plus que vous ayez une fuite qui, par exemple, suinterait derrière le mur, parce que ce que vous avez fait, vous m'avez dit, toile de verre, etc. Souvent, ce genre de problème est réglé par des caches-misères, c'est-à-dire qu'on a de l'humidité, on va poser dessus une toile de verre. L'humidité, elle est derrière, et puis elle finit par ressortir un endroit. Donc voilà. Mais commencez par ça. Revoyez la ventilation éventuellement de la maison. Détalonnez peut-être la porte de la chambre, de façon à laisser un petit vide en dessous qui permet de favoriser le renouvellement de l'air. Et puis ça devrait aller. Merci beaucoup Jean-Claude. Bon, il est pratiquement 9h sur RMC. Il est pratiquement 9h. On va se retrouver dans un instant, après la météo et les infos. Et on va parler chauffage sur RMC. Une heure entière sur le chauffage, la rénovation du chauffage. Et puis tout ce qui tourne autour de l'écosystème du chauffage, les thermostats connectés, etc. Dès maintenant, vos questions sur ce sujet, 3216 ou maison@rmc.fr. On revient après la météo et les infos. À tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre maison. Bonjour Samuel, voilà, je suis aficionado depuis 3 ans. Bonjour Samuel. Je suis accro, mais comment ne pas l'être ? Imaginez, plus de 1000 produits du quotidien au prix le plus bas du hard discount. C'est imbattable. Bravo Samuel.

toutes ces images de ces corps inanimés sur la promenade, les cris, les vêtements qui étaient sur... C'est des détails bêtes, mais il y a eu, par exemple, des vêtements sur la promenade, tout ça, des vélos, ça restera toute ma vie dans mes souvenirs, je pense. Je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait, et j'ai envie de continuer et d'être là si, quand on a besoin, en fait. Voilà le témoignage de Quentin au micro de Céline Martelet. La cérémonie débute d'ici une heure. Elodie Messager, vous êtes en direct de Nice pour RMC. Elodie, avec toute l'émotion qu'on imagine, les familles commencent à arriver. Et oui, je me trouve sur la colline du château, sur les hauteurs de Nice, avec une vue plongeante sur la promenade des Anglais. C'est là que va se dérouler la cérémonie. Pourquoi ici? Parce que beaucoup de proches de famille n'arrivent toujours pas à retourner sur la promenade des Anglais. C'est trop dur. Quelques familles ont déjà en effet commencé à arriver, mais elles sont pour le moment rassemblées un petit peu à l'écart dans un espace privatif. Au total, près de 2000 personnes seront réunies autour du président de la République, des rescapés, des proches, des victimes, mais aussi des policiers, des pompiers qui sont intervenus le soir du drame. Cindy, qui a perdu 6 membres de sa famille, lira un discours au nom de l'association Promenade des Anges. Puis Julien Clerc interprétera sa chanson Utile au piano. À la lecture des noms des 86 victimes de l'attentat, des lycéens niçois déposeront une rose sur une fontaine de recueillement temporaire réalisée symboliquement avec des galets des plages niçoises. Après l'intervention du président de la République, le chœur des enfants de l'Opéra de Nice interprétera la Marseillaise. Les familles des victimes souhaitaient que le chœur représente aussi la dizaine d'enfants et d'adolescents qui ont perdu la vie ce soir-là, le soir du 14 juillet. Les précisions directes de Nice d'Élodie Messager, la correspondante RMC. Pas de place pour la polémique aujourd'hui. Pourtant, François Hollande fait le déplacement à Nice dans un climat plutôt pesant pour lui en cause. Le livre Confession publié cette semaine, livre polémique, un suicide politique, disent certains. En tout cas, le président de la République perd petit à petit certains de ses soutiens. Et c'est un signe pour le spécialiste de la communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet. L'apparition du livre a une influence déjà directe sur son début de campagne. Ses derniers soutiens, même des gens qui le soutenaient depuis très longtemps, commencent à prendre leur distance, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent. Alors on a remarqué par exemple que quand Madelis prenait une distance, disant bon, avec la publication de ce livre, il ne cède pas s'il souhaite se présenter, il ne se rend pas service à lui-même en gros. On a le journaliste Serge Raffi, qui est quand même son biographe, qui lui-même a trouvé que ce n'était pas du tout présidentiel. Et on finit par se demander si c'est pas une forme de suicide électoral et si au fond, François Hollande ne voulait pas tout simplement s'aborder ses chances de se présenter. Philippe Moreau-Chevrolet, interrogé par Claire Checaglini. Aux États-Unis, la campagne présidentielle n'arrive définitivement pas à s'élever au-dessus de la ceinture. Nouvelle révélation hier, nouvelle polémique autour des présumées agressions sexuelles commises par le candidat républicain Donald Trump. Deux nouveaux témoignages hier. Deux femmes victimes du milliardaire. L'une d'elles s'appelle Summer et n'épargne aucun détail aux Américains. Il m'a demandé de m'asseoir près de lui. J'ai obéi. Il m'a attrapé l'épaule et a recommencé à m'embrasser agressivement et il a mis sa main sur ma poitrine. Je me suis dégagée et j'ai quitté la pièce. Voilà, nouveau document à charge contre Donald Trump qui parle d'un complot médiatique en face. Le camp Clinton essaie de ne pas surfer sur la polémique et il fallait Barack Obama hier lors du meeting d'Hillary Clinton pour prendre un peu de hauteur. L'argument final de Donald Trump, c'est qu'avez-vous à perdre? La réponse est tout. Tous les progrès que nous avons faits sont en jeu dans cette élection. Le savoir-vivre est en jeu. La tolérance est en jeu. La courtoisie est en jeu. L'honnêteté est en jeu. L'égalité est en jeu. La bienveillance est en jeu. Tous les progrès que nous avons faits depuis 8 ans sont en jeu. La démocratie elle-même est en jeu. Donc si vous voulez lancer un message, lancez-le fort. Make it loud! Un sommet, a priori, pour rien. En tout cas, les deux principaux participants ne se font pas d'illusions. À Lausanne, les chefs des diplomaties russes et américaines vont de nouveau dialoguer aujourd'hui le sort de la ville d'Alep comme sujet prioritaire. Et puis en France, depuis la rentrée, c'est une obligation pour tous les établissements scolaires, la mise en place d'un exercice appelé attentat intrusion. Les chefs d'établissement sont laissés seuls pour son organisation et parfois ça dérape, comme en Guyane, jeudi dernier, Martin Baudrero. Des élèves qui s'enfuient par les fenêtres, d'autres qui jettent des tables sur leurs faux agresseurs. Au collège Lysophion, l'exercice attentat-intrusion ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ces entraînements sont censés se dérouler dans le calme et sans la présence de personnes déguisées en assaillants. En Guyane, pourtant, au moins 2 hommes équipés de casques de moto ont fait irruption dans le collège. Ils auraient même simulé une prise d'otage et provoqué des détonations pour faire croire à des coups de feu. Au ministère de l'Éducation nationale, on évoque un incident isolé et l'excès de zèle du principal du collège. Il a présenté ses excuses aux parents d'élèves. Des parents qui racontent qu'hier encore, au lendemain de l'incident, des élèves refusaient de se rendre à l'école, effrayés à l'idée de vivre une nouvelle attaque. Les précisions de Martin Baudrero, 9h06 sur RMC. Leader de Ligue 1 avec 4 points d'avance, assez peu de Niçois auraient misé sur un tel classement après 9 journées de Ligue 1. Pourtant, c'est bien le cas, victoire 2-0 face à Lyon hier soir. Et ce n'est qu'un début pour le capitaine niçois, Paul Beys. On sait que si vous voulez faire un bon parcours dans ce championnat, il faut à domicile être répondre présent. On a pris 3 points, c'est important. On a envie de gagner ensemble. On est une équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs avec quelques anciens. Et on a vraiment cette envie et cette ambition de gagner des matchs. On ne sait pas jusqu'où on peut aller, jusqu'où on veut aller, mais en tout cas on a cette ambition de gagner le plus de matchs possible. Et l'autre belle surprise, c'est Toulouse qui a fait tomber Monaco hier soir 3-1. Toulouse 3e au classement, la suite aujourd'hui avec pour commencer 17h le déplacement du PSG à Nancy. Autre rendez-vous aujourd'hui, on change de ballon, la Coupe d'Europe de rugby, elle débute aujourd'hui pour les clubs français. Toulon, Toulouse, Montpellier et Castres entrent en lice ce samedi. Castres qui se déplace au Leinster et ça fait vibrer le coach Christophe Urius. C'est une belle compétition, tu vas jouer les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, les meilleurs staff, le meilleur rugby. Voilà, il faut la jouer. Ça doit nous permettre de changer évidemment de compétition. Ça va nous permettre de toute façon de progresser. Quoi. On va être obligé de progresser. Il va falloir qu'on élève notre niveau d'engagement dans un premier temps. À Montpellier, on a fait un grand match en engagement, mais il faudra qu'on soit à minima comme ça, quoi, si on ne veut pas morfler. Quoi. Et puis la ligne d'arrivée d'une saison cycliste. Cette ligne, elle est au Qatar, championnat du monde ce week-end. Pour les hommes, c'est demain. Pour les femmes, c'est aujourd'hui. Mais ce sera sans la leader française Pauline Ferrand-Prévot, Georges Quérino. Bonne chance les filles, je crois fort en vous. Le message posté cette semaine sur Twitter par Pauline Ferrand-Prévot pour encourager les Bleus. À 23 ans, l'ex-championne du monde sur route a décidé de faire une coupure après des Jeux Olympiques de Rio complètement ratés. Son absence à Doha est forcément particulière pour Roxane Fournier, membre de l'équipe de France. Les Français, ils connaissent que Pauline, on va dire, dans le cyclisme féminin. Elle n'est pas là pour cette année, mais bon, dès l'année prochaine, elle sera de nouveau la leader pour l'équipe de France. Donc c'est l'année ou jamais. Une occasion en or pour les autres filles de sortir de l'ombre de l'icône. Sandrine Guironnet, la sélectionneuse. On a nombre d'autres athlètes qui ont les qualités pour être présentes sur ce mondial-là. Chacune a son opportunité. Les filles auront à cœur, en tout cas, de porter haut les couleurs de l'équipe de France. Des Bleus qui ne seront pas favorites aujourd'hui dans la fournaise de Doha. Plus de 37 degrés annoncés. Le reportage au Qatar de Georges Quérino, envoyé spécial RMC Sport, 9h08 sur RMC. Les courses pour terminer, François. Tiens, c'est quartier Quintet Plus à Auteuil cet après-midi. Donc Thomas et Sébastien Arras nous conseillent le 2 Adagio des Bordes et le 8 Belette Tous. Brahim Asloum aime bien le 7 Green Amix et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 10 Lord Liffard et l'As Silver Axe. Le 2, le 8, le 7, le 10 et l'As. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant, ça va chauffer dans ce rendez-vous maison avec Christian PC. Pour cette deuxième partie, nous allons parler chauffage. Comment entretenir et améliorer son installation de chauffage? On en parle avec nos invités. Bien sûr, vos questions dès maintenant au 32 16. A tout de suite. RMC. RMC Running Session avec New Balance, saison 2. Vous souhaitez vous initier au running, améliorer rapidement vos acquis? Les coachs New Balance repartent à votre rencontre partout en France pour des sessions 100% plaisir. Comme les runners lyonnais ce week-end, testez l'expérience. Prochaine session le 5 novembre à Paris. Courez vous inscrire sur rmcsport.fr, rubrique RMC Running. Bonjour Samuel, voilà, je suis aficionado depuis 3 ans. Bonjour Samuel. Je suis accro, mais comment ne pas l'être? Imaginez, plus de 1000 produits du quotidien au prix le plus bas du Hard Discounter. C'est imbattable. Bravo Samuel. Netto, le discounter qui fait la différence. Voir modalité en magasin et sur netto.fr. Du 8 au 18 octobre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, hop, hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec. Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 16, selon autorisation, crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit, c'est acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec. Aujourd'hui samedi, nouvel arrivage chez Electro-Dépôt. La machine à gazéifier SodaStream et sa recharge est à un prix électro-dingue de 39,98 €. Dépêchez-vous, il n'y a que 290 pièces. Electro-Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Détail de l'offre en magasin. Electro-Dépôt est la meilleure chaîne de magasins multimédia et électroménagers de France. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Votre matinée chez nous à partir de 10h sur RMC, vous retrouverez les GG du sport. Et puis bien sûr, je serai là demain, dimanche entre 6h et 10h avec les animaux. Laetitia Barlerin entre 6 et 8 et puis on enchaînera avec l'automobile. Et Jean-Luc Moreau, on essaiera de vous aider pour vous donner un maximum de conseils si vous êtes en passe de perdre votre permis de conduire. Ah, si ça, vous reste pas beaucoup de points, etc. Les stages de récupération de points, etc. On en parlera avec un spécialiste. Mais dans l'immédiat, pour cette deuxième partie dédiée à la maison, on parle de chauffage. Christian. Voilà. Voilà, le chauffage dans sa globalité. Oui, on va surtout parler ce matin de s'intéresser au chauffage à la veille de l'hiver et principalement du chauffage central, des poêles, l'électricité en général. Il n'y a pas beaucoup à faire pour l'entretenir. Donc, on va parler entretien de chaudière, de radiateur, de ramenage. On va parler robinet thermostatique, thermostat programmable et aussi récupérateur de chaleur, puisque c'est aussi une préoccupation compte tenu des conditions d'installation maintenant des poêle à bois dans les maisons, mais souvent en poêle centrale et puis on espère que ça chauffe toute la maison. Ah non, il faut faire quand même un petit peu d'équipement. Donc, alors maintenant les questions, bien sûr. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voulez questionner à la fois Christian et nos invités, 32-16. Alors nos invités, on a Benjamin Duarte qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patron de VB Gaz, une société d'entretien, on va dire globalement des systèmes de chauffage et notamment gaz. Et vous êtes président Île-de-France du SINASAV, c'est le syndicat national de la maintenance et de l'efficacité énergétique. Nous avons avec nous aussi Stéphane Berlioz-Latour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour. Directeur marketing de Deltador, société spécialisée dans les solutions domotiques et notamment de la gestion des systèmes de chauffage. Et Frédéric Coirier, bien connu dans cette émission, qui est déjà venu plusieurs fois, qui est président du directoire de Cheminée Poujoulat. Bonjour. Et donc, vous allez nous parler conduit de fumée, parce que c'est très important, et récupérateur de chaleur. Voilà. En introduction, si on accueillait Franck, Christian, qui nous a appelé au 3216 et qui, bien évidemment, une question sur le chauffage et notamment concernant sa vieille chaudière. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour, voilà. Bienvenue. J'ai une vieille chaudière qui a plus de 40 ans. Bonjour à vous, pardon. Ouais. Oui. J'ai une vieille chaudière qui a plus de 40 ans. Elle consomme beaucoup trop. Elle consomme 500 litres pour un mois, voilà. Ah oui, c'est beaucoup. J'allais parler à mon propriétaire, mais elle veut rien savoir. Elle veut pas la changer et comment je fais pour moins consommer, quoi. Bon, ça c'est une question. Alors, je pense que déjà la première des choses, ça serait de l'entretenir, de bien l'entretenir, peut-être faire passer donc un technicien. Benjamin Duarte, qu'est-ce que vous conseillez en termes d'entretien? Déjà, on parlera aussi légalement d'ailleurs de ce qui est obligatoire. Mais pour qu'une vieille chaudière fonctionne mieux, mis à part, qu'elle consomme moins en l'entretenant, on peut consommer moins. Est-ce que véritablement ça peut jouer? Bonjour Franck. Déjà, avant tout, ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, c'est suivre la loi qui implique la révision annuelle, ce qui permettra d'avoir une bonne combustion. Bon, je veux dire qu'à 40 ans, il ne faut pas attendre des miracles non plus, mais une bonne visite préventive provoquera le fait que la chaudière consommera un peu moins. Après, bien évidemment, on passera pour une chaudière à condensation, mais c'est un autre débat, étant donné que le propriétaire de ce monsieur ne veut pas changer sa chaudière. Bon, et en matière, on peut déjà parler de programmation et aussi de gestion thermostatique. Moi, j'ai constaté il y a quelques années qu'en mettant un thermostat centralisé qui déjà coupait la chaudière simplement quand on n'en avait pas besoin, c'est-à-dire quand on n'était pas là, on gagne déjà 30% d'énergie. Tout à fait. L'avantage du thermostat programmable et surtout connecté, c'est qu'on va pouvoir faire des plages de programmation qui va piloter la chaudière de manière à chauffer que lorsqu'on en a besoin et à la température qui, pour nous, est une température d'accord de confort. Mais on a quand même la problématique, là, c'est que une chaudière de 40 ans, des fois, on ne peut pas la raccorder à un thermostat déporté, si, toujours. Non, pas toujours. Effectivement, ça dépend des chaudières. Néanmoins, on a beaucoup de systèmes existants qui permettent de s'intégrer et de s'interfacer avec un grand nombre de chaudières. Christian, quand on écoute la question de Franck, on se rend compte que sa propriétaire ne veut pas lui changer sa chaudière. Oui. Une chaudière qui a 40 ans, qui consomme plus que la moyenne. Est-ce qu'il n'y a pas une législation là qui obligerait en quelque sorte le propriétaire à faire des efforts ou d'entretien, ou alors changer cette chaudière pour que Franck consomme moins? Et non, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'obligation véritablement, par exemple, de refaire de l'isolation, parce que la première, ce qu'on pourrait aussi dire... Bien sûr, mais ça c'est ce en préambule. Aussi dire à Franck, c'est presque en préambule de toute cette heure-là. Voilà, isolons et déjà, sa chaudière va moins consommer. C'est

économique pour une maison qui fait déjà 140 mètres carrés. Avec de l'étage ou pas? Avec un étage. Vous avez un étage? Oui, avec un étage. Bon. Oui, moi, ça me paraît être une bonne solution. Le conseil est bon. Maintenant, vous avez un double problème que vous évoquez bien. C'est le problème du conduit. C'est-à-dire, il va falloir certainement y faire quelque chose. On va voir tout de suite. Et ensuite, le problème de la récupération de chaleur pour la diffuser vers d'autres pièces. Frédéric Coirier de chez Cheminée Poujoula. Là, c'est complètement pour vous, cette question. Oui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? On remplace, on tube le conduit, qu'est-ce qu'on met pour récupérer la chaleur? Alors, si on réutilise le conduit existant, ce sera pas forcément évident de mettre un récupérateur, parce que il faut pouvoir à un moment donné canaliser, récupérer la chaleur. Déjà dans la cuisine, Hélène a plusieurs choix. Elle peut mettre un insert, un poêle ou une cuisinière à bois. Ça existe également. Ah oui, c'est sympa aussi. Donc il y a des choses sympas qui permettent de faire de la cuisson et de chauffer. Et on peut récupérer la chaleur d'un poêle alors. Du coup, on peut la récupérer, mais on peut la récupérer, mais a priori plutôt dans un conduit. Il vaut peut-être mieux refaire un conduit directement plutôt que d'utiliser le vieux conduit. Hélène peut réutiliser l'espace utilisé par le conduit actuel, en créer un, et à ce moment-là, il existe des systèmes de récupération de chaleur qui effectivement vont permettre de répartir la chaleur ensuite sur 5-6 pièces. Comment on récupère la chaleur? Si on récupère la chaleur, donc vous avez fumée quelque part. Oui, en fait, vous avez un échangeur autour du conduit de fumée dans lequel on va injecter de l'air frais. L'air frais va s'échanger sur le conduit et ensuite se diffuser vers les pièces de vie. On peut récupérer comme ça à peu près 2 kilowatts qu'on peut redistribuer sur les pièces, donc ramener avec un petit appoint électrique, effectivement, avoir 20 degrés dans les chambres. Mais vous avez un système de ventilation alors qui pousse l'air. Oui, vous avez un système qui en fait va soit aller chercher. Vous avez conseillé de mettre une fonte. Oui, soit on va avoir, soit on va reprendre l'air dans la pièce où elle va avoir son appareil qui va souvent être un peu trop chauffé, ou on va faire un apport extérieur, on va l'échanger sur le conduit et ensuite on le diffuse dans les chambres et où elle le souhaitera. Ben voilà, c'est une. Je pense que vous avez la réponse. Merci. Très bon conseil, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Benjamin Duarte. Donc, on parle conduit. Donc, si on parle conduit, on parle aussi ramonage. Vous pourriez nous rappeler la réglementation? C'est 2 ramonages, hein, je crois. Alors, normalement, par an. En fonction des régions, ça va d'un à plusieurs ramonages effectivement par an. Un à deux, c'est ça. Tout à fait. C'est du gaz, c'est du fioul, du charbon. Alors, si c'est du gaz, c'est qu'une seule fois. Une seule fois par an. En fonction encore une fois des régions, parce que c'est qu'il y a des régions, on oblige 2 fois par an. Ah bon? Même sur le gaz? Tout à fait. Alors, c'est leur réglementation, c'est le règlement départemental sanitaire, c'est ça? C'est la même. Ah, d'accord. Et donc, pour ce ramonage, qui peut ramener? Parce qu'on entend souvent parler aussi de l'utilisation de bûches de ramonage, tout ça. Il faut que ça soit un ramonage mécanique? Il faut que ça soit un ramonage mécanique par un professionnel qualifié. D'accord, et qui va vous donner une attestation Il vous fera, à la fin de son travail, il vous établira une attestation de ramonage en bonne et due forme pour que vous soyez en accord avec votre assureur. Il faut peut-être faire attention aux itinérants là qui viennent vous proposer. Oui, malheureusement. Qu'est-ce qu'on est en droit d'exiger comme qualification, un document, quelque chose? Il y a un certificat Calibat où vous avez un agrément pour être un ramoneur. Donc il faut passer la main, avoir ce certificat. Donc on peut l'exiger, ça on peut tout le demander. Il faut l'exiger. Il faut l'exiger cette qualification. Mais alors il nous sort quoi? Un papier avant de ramoner, c'est ça? Il a toujours sur lui. Il peut nous dire attendez non, je l'ai pas, elle est au bureau, machin. Pas obligatoirement, mais tout simplement lors de la prise de rendez-vous, on peut exiger ou demander que l'intervenant vienne avec son attestation. D'accord. Ça se fait, on va pas passer pour un fou. Quoi, absolument pas. D'accord. Mais alors, moi souvent je vois maintenant des ramoneurs entre guillemets qui se contentent de rentrer dans l'appartement, qui mettent un aspirateur, il faut quand même monter sur le toit, non? Il vaut mieux, tout dépend de la configuration du ramonage et tout dépend. Et alors, le problème des conduits métalliques, ça pose pas davantage de difficultés, non? Non, il n'y a pas de... Non, parce que généralement, comme ils sont lisses... Frédéric Coirier. Comme les conduits sont lisses, les particules, tout ce qui peut en fait se coller à l'intérieur du conduit, colle moins que dans un conduit traditionnel qui va être plus rugueux. Ceci étant, un des éléments, c'est le matériel que va amener le professionnel. Si vous voyez quelqu'un bien équipé, c'est plutôt bon signe. Ouais. Effectivement, le gars qui arrive avec un petit matériel et avec un goupillon... Aujourd'hui, il y a

ouverte. Condamné à 30 ans de prison, plus de 20 ans après les faits, le verdict hier soir de la Cour d'assises du Nord, 30 ans de réclusion criminelle contre Lilian Legrand, reconnu coupable du meurtre de Stéphanie Fauvio. C'était à Lille en 1995. L'ancien gendarme a toujours nié les faits, mais son ADN a été retrouvé des années après sur la tenue portée à l'époque par la jeune victime. Aux États-Unis, les langues se délient et les témoignages affluent tous les jours pour dénoncer les actes de Donald Trump. Cette nuit, ce sont deux nouvelles femmes, deux nouvelles victimes d'agressions sexuelles qui témoignent. Un complot médiatique, répond le candidat républicain. Les sports et pour l'instant le club à la mode en foot, c'est Nice. 4 points d'avance en tête de la Ligue 1 après une victoire convaincante 2-0 face à Lyon hier soir. Toulouse, c'est l'autre surprise, victoire 3-1 sur Monaco, la suite de la 9e journée de Ligue 1. C'est aujourd'hui Nancy, PSG pour commencer. Et puis le retour ce samedi de la plus belle des compétitions européennes de rugby, la Challenge Cup, la Coupe d'Europe. Toulon, Montpellier, Toulouse et Castres seront sur la pelouse cet après-midi. 9h31 sur RMC, votre maison, vous êtes avec Christian Pessé et François Sorel, messieurs. Merci beaucoup Thomas Chupin. Prochain point sur l'actu, ce sera 10h et on se retrouve Thomas demain. À demain. Demain dimanche dès 6h sur RMC. On poursuit ce rendez-vous maison avec vos questions bricolage maison déco 32-16, plus particulièrement chauffage puisque c'est notre thème non, ce samedi matin. À tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Ah, Christian Pessé. Oui, François Sorel. Je vous sens concentré. Mais bien sûr. Serait-ce la question flash qui vous met dans cet état? Qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas tellement l'habitude. Quoi. Voilà, c'est le trac. C'est le trac. Et voilà. En moins de 2 minutes allez-y. Maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Greg. Oui. Nous allons faire construire dans la région d'Aix-en-Provence, oui. Nous dit Greg. On nous propose de nous dispenser de gouttières. Il paraît qu'une génoise suffit et que c'est beaucoup plus esthétique. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est en effet à la mode et traditionnel et très pratiqué depuis longtemps dans le midi. On se contente effectivement de réaliser une génoise, c'est ce que nous dit Greg, c'est-à-dire un habillage maçonné en pente dégressive qui est en plus festonné entre le bord inférieur des tuiles et le mur. Alors, ça reposait sur un constat, c'est que dans le midi, eh bien, il pleut beaucoup, mais moins souvent. Beaucoup en quantité, on l'a vu récemment avec les épisodes Cévenol et qui ont touché l'Hérault et le Gard, mais et du coup l'eau allait projeter loin du mur. Et donc, a priori, ça va. Sauf que le climat, il évolue un peu et il pleut plus de jours par an aujourd'hui qu'autrefois. Et puis, souvent, on met une terrasse devant la maison, on met un trottoir. Et du coup, eh bien, l'eau qui tombe sur cette surface qui n'absorbe pas l'eau, eh bien, elle va être projetée contre le mur, vers le mur, et on a des phénomènes d'humidification de pieds de mur. Alors, moi, je suis un ardent défenseur de la gouttière. oui, plutôt que de cette situation sans gouttière et avec génoise, même si effectivement c'est un peu plus esthétique. Mais une gouttière, ça a l'avantage, c'est que ça canalise l'eau, ça l'envoie où vous voulez, et pas seulement au pied des murs, comme on le voit trop souvent après avec des phénomènes d'humidification des bâtis. Le 32-16, maison@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes là avec Christian jusqu'à 10h sur RMC. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. Et au 732-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pessé. Il est 9h34, bonjour à vous toutes et à vous tous, peut-être venez-vous de nous rejoindre sur RMC, merci d'être là, bienvenue jusqu'à 10h, c'est votre rendez-vous maison avec Christian Pessé, notre expert maison, et on évoque ce matin l'approche de l'hiver, eh bien le chauffage en compagnie de nos invités. Voilà nos invités, Benjamin Duarte, donc Lucie Nassav, Stéphane Berlioz-Latour de chez Deltador et Frédéric Coirier de Cheminée Poujoula, et nous avons qui nous attend en ligne, Johanna Roqueton, qui est chef de produit chez GEB, qui va nous parler de l'entretien des circuits de chauffage. Bonjour, bonjour Johanna. Bonjour. Alors, Zeb, il y a une gamme impressionnante de produits, d'additifs à mettre dans le circuit de chauffage central, et d'autant plus important aujourd'hui qu'on a aussi des circuits dans le plancher, avec les planchers chauffants, problème de colmatage, de boue qui s'accumule. Alors, C'est quoi? Vous pouvez nous dire les principaux produits qui existent pour entretenir, et on les met, on oublie souvent d'en mettre, pour entretenir donc régulièrement l'installation de chauffage central? Alors, comme vous l'avez dit, il y a donc de la boue dans les réseaux de chauffage. Oui. Et pour un peu remettre le contexte, comment on voit qu'on a des boues dans, dans notre réseau de chauffage? On a une facture énergétique qui augmente, on a du bruit dans l'installation, de la casse d'équipement. Et puis, surtout, ce qui est assez visible, c'est le radiateur quand il chauffe très bien sur la partie du haut et sur la partie du bas. Et pas sur celle du bas. Pourquoi il y a de la boue dans un système de chauffage? D'où elle vient, cette boue? Oui, alors en fait, on appelle particules ferreuses. En fait, c'est simplement le contact de l'eau avec les matériaux qui se trouvent dans l'installation qui forment des boues. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des produits qui présents pour traiter donc les boues. Donc, on appelle ça un traitement de désembouage. Donc, en fait, il faut arrêter la chaudière, introduire le produit de désembouage dans l'installation, le faire circuler quelques jours et ensuite l'évacuer jusqu'au tout à l'égout ou au regard. D'accord. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres produits, style anti-fuite. Je sais que vous en avez beaucoup. Oui. Mais alors, concrètement, comment on fait? Comment on fait pour... Parce que moi, j'ai une installation de chauffage central. Comment je fais rentrer un litre de produit dans le circuit? Alors, vous avez deux méthodes et c'est en fonction de l'état de boue que vous avez dans votre réseau. Soit vous avez un réseau qui est très saturé en boue et dans ce cas-là, on préconise d'utiliser une pompe en utilisant le produit et donc vous allez raccorder la pompe à votre réseau de chauffage. Ouais, enfin, c'est un pro. C'est un pro. Moi, j'ai pas de pompe pour l'installation. Voilà. Hein. Alors, si je suis amateur, qu'est-ce que je fais? Si vous êtes amateur, vous allez prendre tout simplement un flexible et un entonnoir. Vous allez introduire le produit sur la partie la plus haute de votre installation. Oui, mais il faut déjà en vider un peu, parce que sinon... Oui, vous avez raison. En fait, comme on a, c'est un circuit fermé, donc on a 100 litres, en moyenne dans une maison, on a 100 litres d'eau. Donc il faut effectivement retirer donc une partie de l'eau pour introduire... Et comment je fais pour la retirer, cette eau? C'est un sketch de Fernand Reynaud, votre affaire, là. En fait, il suffit de raccorder un flexible. Bon, par exemple, vous pouvez utiliser votre un flexible, un tuyau d'arrosage, et ensuite le raccorder donc la partie la plus basse de votre installation jusqu'au tout à l'égout. Mais en ouvrant quoi? Une vis de purge, l'évacuation basse d'un radiateur, par exemple? Oui, voilà, c'est ça. Soit l'évacuation basse d'un radiateur, soit vous pouvez le raccorder directement sur votre chaudière. D'accord. En fait, ça dépend vraiment de l'installation. D'accord. Et puis ensuite, donc on ferme tout ça et on remet l'installation en pression. Exactement, c'est ça. D'accord. Ok. Et puis, Oui. Et puis? Et puis, comme vous l'avez dit, quand on désemboue, donc ça veut dire qu'on décolle les particules du réseau, on peut s'apercevoir qu'il y a des micro-fuites. Et donc là, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des produits qui existent, donc un liquide que vous introduisez dans votre circuit pour colmater les micro-fuites. D'accord, bien, bah écoutez, merci Johanna Roqueton. Je rappelle, vous êtes chef de produit chez JEB. Je vous remercie. Merci beaucoup, Johanna. Il est 9h38 sur RMC. Christian, on accueille Brigitte? Mais on accueille Brigitte. Voilà, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vous remercie de prendre ma question. Alors, j'essaye d'être synthétique. Voilà, ma fille s'est installée dans une maison en location dans la région de Provins. Il y a à peu près un mois, elle a mis la chaudière en route il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Une révision était prévue de longue date qui a été faite pour sa chaudière qui se trouve dans un local fermé dans la cave, qui a une installation a priori correcte puisqu'il y a une cheminée d'évacuation qui a été donc ramonée. Et la première révision s'est bien passée, sans souci. Et il y a deux jours... elle a eu des soucis de chaudière qui s'arrêtait. Donc, elle a rappelé le technicien qui est venu et qui a constaté avec son détecteur un taux anormalement élevé de monoxyde de carbone. Ah. C'est une chaudière à quoi, vous n'avez pas précisé? Une chaudière à gaz. À gaz, d'accord. Alors, je ne connais pas la marque, elle est assez ancienne, mais je ne connais pas. Bon, donc le technicien a dit, il n'y a pas de grille d'aération, il faut en créer une. Ce que je trouve curieux, Voilà, ce que je trouve curieux, c'est que si cette chaudière était révisée annuellement, peut-être que cette remarque a pu être faite antérieurement. En tous les cas, il n'y en avait pas, donc ils ont essayé, ma fille a essayé d'ouvrir un petit peu en attendant qu'on fasse une grille d'aération. Bon. Et votre question, c'est quoi alors? Ma question, c'est la suivante. Premièrement, est-ce qu'avec un système normal d'évacuation par une cheminée qui tire, ramenée régulièrement, est-ce qu'il y a du monoxyde de carbone dans la pièce? Ça, c'est la première question. Et la seconde, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire si, par exemple, la propriétaire ne faisait pas d'emblée tout de suite une grille d'aération ou deux pour aérer la pièce? D'accord. Monsieur Duarte, Benjamin Duarte, donc... C'est votre spécialité, ça, alors? Alors, ce qui m'interpelle déjà avant tout, c'est le fait que cette dame dise qu'il n'y a pas d'aération. Alors, une chaudière, c'est une obligation, c'est une réglementation, il doit y avoir une aération basse, du moins. Après, si l'appareil... Sauf si elle est à ventouse. Sauf si elle est à ventouse, bien évidemment. Mais étant donné que c'est un ramonage, donc je considère que c'est pas une chaudière à ventouse, donc ce qui va dans mon sens en disant que l'aération basse, obligatoirement, l'aération haute, tout dépend de l'hauteur du coupe-tirage. 1m85, il n'y a pas obligation s'il y a que la chaudière dans la pièce. Donc, déjà, il faut se mettre en conformité, parce que c'est très important. Obligatoire, encore une fois. Mais c'est la propriétaire qui doit se mettre en conformité, là. Effectivement, c'est la propriétaire qui doit faire cette aération basse. Et là, il ne faut pas hésiter, il faut le faire au plus rapide. C'est tout simplement celle-là qui peut provoquer ça. Après, bien évidemment, si on va à une tranquillité à 100%, il faut mettre une chaudière avant tous, ça évite ce problème-là. Et je dirais aussi qu'une vie n'a pas de valeur. Et pour cela, il y a aussi il faut se protéger un petit peu. Il y a des détecteurs de monoxyde de carbone. Oui, bien peut-être sûr. Penser à cela, parce qu'une vie n'a pas de valeur. Mais déjà, l'aération en premier lieu. Je rappellerai qu'une chaudière avant tous, ça veut dire que c'est une chaudière qui fonctionne étanche, qui fonctionne en vase clos, si on peut dire. Et exactement. Donc là, on a des conduits. Là, je me retourne vers Frédéric Coirier de Poujoulade. Là, il y a maintenant des systèmes, des conduits qui sont concentriques. Hein, c'est ça. Oui, comment on peut décrire ça? Eh bien, écoutez, l'amenée d'air se fait. C'est double paroi. Donc, vous avez les fumées qui passent au centre. Et entre le conduit de fumée et la paroi extérieure, vous avez l'amenée d'air. D'accord. Ça veut dire que là, on a un conduit qui est de plus petite section qu'un conduit normal, et on l'utilise, on le fait passer dans le conduit de fumée classique. Non, c'est des conduits qui sont vendus monobloc, hein, c'est-à-dire donc en fait, c'est des deux parois. La paroi intérieure, on évacue les fumées. La paroi extérieure, on amène l'air comburant et l'ensemble est étanche. Est-ce que si on a une chaudière de type de celle de Brigitte, il faut avoir un détecteur de monoxyde de carbone à votre avis? Non, c'est pas indispensable. Il y a une obligation au détecteur de fumée aujourd'hui, pas pour le monoxyde de carbone. Oui, ça n'est non, pas. Non, c'est obligé, pour ça que je vous pose la question. En revanche, est-ce que c'est une sécurité? Oui, c'est trop. C'est pour ça, la vie n'ayant pas de valeur, je pense que c'est pas pour le coup que ça engendre. Et bien évidemment, il vaut mieux avoir ce type de produit. C'est une protection individuelle. Proche de l'appareil de chauffage en général. Comme ça, on est proche de la source. Bien sûr. D'accord. Rappelons que l'entretien des chaudières est obligatoire au moins une fois par an. Obligatoire. Il est 9h43, c'est RMC. On revient dans un instant, le 32-16, si vous voulez poser votre question, ou bien maison@rmc.fr. On va parler gestion du chauffage, amélioration justement, avec les thermostats. Allez, à tout de suite, c'est RMC, c'est le week-end des experts. RMC, 8h-10h, votre maison. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC. Le rendez-vous des parieurs hippiques uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Ce qu'il y a de bien avec le saumon fumé, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisiner, ça plaît à tout le monde. Ça tombe bien, Michel, parce que jusqu'à demain chez Carrefour Market, il y a 50% d'économie avec la carte de fidélité sur une sélection de produits de marque, comme sur le saumon fumé de Norvège Delpierre. Des idées fraîches et des prix frais. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La plaque de 4 tranches 120 grammes, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, bougez plus. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur la paire.fr. Aujourd'hui samedi, nouvel arrivage chez Electro-Dépôt. La machine à gazéifier SodaStream et sa recharge est à un prix électro-dingue de 39,98€. Dépêchez-vous, il n'y a que 290 pièces. Electro-Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Détail de l'offre en magasin. Electro-Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia et électroménager de France. Le cyclamen me donne des envies de poésie. Cyclamen, mon ami. Alors qu'à l'automne, d'autres plantes sont endormies. Toi, tu es plein Stéphane, de vie. Vous allez être ravi. Car chez Gamme Vert, jusqu'au 15 octobre, le mini cyclamen en pot de 10 cm est à 1,95€. Oui, 1,95€. Gamme Vert, le goût du jardin. Différents coloris, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Bonjour Samuel, voilà, je suis aficionné tôt depuis 3 ans. Bonjour Samuel. Je suis accro, mais comment ne pas l'être? Imaginez, plus de 1000 produits du quotidien au prix le plus bas du hard discount. C'est imbattable. Bravo Samuel. Netto, le discounter qui fait la différence. Voir modalité en magasin et sur netto.fr. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. 10h moins le quart, c'est RMC le week-end des experts, la maison de retour. Christian Pesset toujours à mes côtés. On évoque le chauffage à l'approche de l'hiver, Christian, ce matin. Voilà, on a évoqué les questions de sécurité, d'entretien. On va parler maintenant des questions de régulation du chauffage, et notamment du chauffage central, mais aussi du chauffage électrique. Nous avons avec nous, alors pour le chauffage central cette fois, en ligne qui nous attend, Eric Fauconnier, responsable marketing produit chez Danfoss. Bonjour monsieur Fauconnier. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors les robinets thermostatiques, tout le monde connaît à peu près aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas un peu ringard? Ça a évolué, vous en êtes où maintenant avec ces matériels qui se posent donc qui se substituent au robinet ordinaire du radiateur? Tout à fait. Alors, ce sont des produits qui ont beaucoup effectivement évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a des versions électroniques qui permettent d'avoir plus de précision et d'ajouter des fonctions. Également des produits électroniques et radio qui communiquent avec une centrale dans la maison, ce qui permet de la commander à partir de l'extérieur. D'accord. Avec son smartphone. Mais je dirais que le produit même de base n'est pas ringard, parce que le grand problème en France, c'est que de très nombreux radiateurs, il y a des dizaines de millions de radiateurs qui ne sont pas équipés. Et si déjà les gens pouvaient mettre des produits, même si c'est vrai, ils sont un peu anciens de conception, ça serait déjà très bien pour eux-mêmes, pour les économies qu'ils feraient. Vous pouvez nous rappeler comment ça marche déjà, parce que c'est pas absolument évident. Non, tout à fait. Donc un robinet thermostatique, c'est composé de deux parties. Il y a une partie vanne, donc qui se monte sur le radiateur, et ce qu'on appelle une tête thermostatique. D'accord. Sur la tête, on va la tourner, on va régler une température de consigne, c'est la température que l'on veut dans la pièce. Et lorsque la température ambiante dépasse cette température, eh bien le robinet se ferme et interrompt la circulation d'eau chaude dans le radiateur. Est-il vrai qu'il faut toujours qu'il y ait au moins un radiateur qui n'en soit pas équipé? Oui, alors avec les chaudières, c'était pour éviter que la chaudière, en fait, que la pompe, le circulateur de la chaudière ne tourne, je dirais, sur un circuit complètement bloqué. Aujourd'hui, les chaudières savent détecter ça, mais c'est vrai qu'on va pas en mettre dans la pièce où on va mettre le thermostat d'ambiance programmable. D'accord. Parce que c'est tout à fait compatible avec un thermostat d'ambiance programmable. C'est pas du tout des produits qui s'excluent l'un l'autre. Il faut mettre les deux. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que un équipement complet, ça va chercher combien à peu près si on a, mettons, une dizaine de radiateurs dans la maison? Alors ça dépend si on le fait soi-même. Hein, dans ces cas-là, on va trouver des produits alors classiques autour de 20-30€. D'accord. Électronique, ça va plutôt être 50-60. Donc ça va être, si on le fait soi-même, ça peut être 300€ si on en a une dizaine. D'accord. Si on le fait faire, là, ça va plutôt être 70-80€ par radiateur. D'accord. Mais on est bien d'accord qu'il faut arrêter l'installation de chauffage pour remplacer les robinets. On peut pas faire autrement, hein. Oui, alors effectivement, si on est équipé de vannes manuelles, oui, il faut dans ces cas-là interrompre la circulation de chauffage. Si on a déjà au moins la vanne qui est thermostatique, hein, ça existe, ça arrive. Des fois, on a des corps thermostatiques, mais dessus, c'est une vanne manuelle. Là, par contre, on peut facilement juste changer la tête. Aussi. D'accord. Mais sinon, oui, il faut interrompre le circuit. Très bien, merci Eric Fauconnier. Je rappelle, vous êtes responsable marketing produit chez Danfoss. On va passer donc maintenant à la centralisation. Ça a été évoqué, la possibilité d'avoir donc une programmation centralisée. Donc Stéphane Berlioz-Latour, chez Deltanor, vous êtes les grands spécialistes de cela. Là aussi, est-ce que ça a évolué? Parce qu'on mettait souvent simplement un système assez basique dans le salon, et puis ça, pour que ça communique avec la chaudière, avec des fils, etc. Est-ce que maintenant, quelles sont les solutions qui existent? Alors ça a beaucoup évolué effectivement, à la fois dans la façon de communiquer avec la chaudière, puisque maintenant on parle beaucoup de connecté. Oui. Donc le connecté c'est quoi? C'est radio quoi. Voilà, ça amène une fonctionnalité supplémentaire qui est de pouvoir piloter son thermostat et donc son système de chauffage à distance par le biais de son smartphone, sa tablette, etc. Mais alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on peut faire de la programmation. Moi, je cite souvent mon expérience d'il y a quelques années dans une maison où on a fait installer ça. On a gagné, pratiquement parce qu'on a gagné 30% de chauffage directement. Parce que on peut, à ce moment-là, faire des vrais scénarios ou des scénarii, comme on dit au cinéma. C'est ça, on peut véritablement programmer très fin. Tout à fait. En fait, le gros avantage, c'est que vous ne consommez que lorsque vous en avez besoin. Donc, on prend un exemple tout bête de la vie quotidienne. Vous partez, vous vous levez peut-être à 6h ou 7h du matin. Vous avez envie d'avoir votre maison qui est à une certaine température. Donc ça, vous pouvez la programmer. De manière à ce que quand vous vous réveillez, la maison soit à 20, par exemple. Sauf que à 8h, vous partez au travail. Vous n'avez pas envie que votre maison chauffe de 8h à midi ou de 8h à 18h quand vous rentrez. Donc, par le biais de scénarios, ou scénarii, comme vous dites, vous ajustez selon votre degré de confort, la température que vous souhaitez avoir sur telle et telle plage horaire qui correspond à votre présence et à l'utilisation de votre maison. D'accord. Moi j'en ai un dans un appartement à Paris qui lui est mobile. Alors ça, je trouve que c'est très bien parce que finalement on peut aussi faire moduler en fonction du moment où on est dans une pièce. Parce que si on a quelque chose de complètement bloqué, centralisé, c'est un petit peu gênant. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose ces appareils mobiles? Oui, alors la mobilité en tant que telle, le thermostat va être juste là pour donner une température de consigne. Après, il faut que votre installation soit équipée, soit organisée pour pouvoir faire ce qu'on appelle du multizone. D'accord. Ceci étant... Si j'ai bien compris, c'est l'idée d'avoir un thermostat mobile. On rentre dans une chambre, par exemple, qui fait très froid, alors que dans le salon, il fait bon, et vous appuyez sur un bouton, ça va chauffer automatiquement. Ouais. Mais donc, il faut que ce soit configuré pour ça, bien sûr. Ou alors que ce soit multizone. Mais alors là, on arrive dans une autre problématique, c'est la difficulté de régler vos bazars. Je veux dire, attendez, il faut être polytechnicien pour arriver à régler vos trucs, là, non? Non, encore une fois... Vous pouvez pas simplifier un peu tout ça, hein? Alors, la gestion multizone dépend du système de chauffage, dépend pas du thermostat en tant que tel. Ouais. Une fois qu'on a cette gestion multizone dans le système de chauffage, le thermostat et la façon de le programmer intervient. Et c'est là où, chez Deltador, on essaye de faire les interfaces les plus simples possibles. Il y a des programmes standardisés, non? Vous pouvez avoir des programmes standardisés. Après, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est la température ressentie, votre degré de confort et votre occupation des pièces. Benjamin Duarte, donc, là, au niveau des entretiens, est-ce que lorsque on a un contrat d'entretien, d'ailleurs, il faudrait rappeler qu'on peut avoir un contrat annuel, le technicien qui vient, il peut aussi s'occuper de régler, voire d'équiper, de donner des équipements complémentaires? Non seulement il peut, mais il doit le faire. Il doit le faire, pouvoir expliquer au client le fonctionnement, pouvoir lui proposer si ça n'existe pas. Ça fait partie en intégralité de son travail. D'accord. Donc, il y a un forfait annuel, mais ça va être en plus, non? C'est en plus. Le forfait annuel est pour ou bien une révision, une visite ponctuelle, ou bien un contrat d'entretien, où est inclus la visite préventive, donc la visite annuelle de révision et le dépannage éventuel. Et tout ce qui est autour de la chaudière, que ce soit les thermostats, les thermostatiques ou autres, c'est bien évidemment des forfaits. Attendez, on précise là. Il y a le strict minimum. Il y a la chaudière, donc ça c'est la sécurité. Une fois par an. Voilà, vous avez plusieurs choses. Vous avez la chaudière, une fois par an, obligation. Vous avez le ramonage, une fois par an, obligation. Voire deux, bien évidemment, en fonction de la région, comme nous avons dit. Et troisièmement, le technicien, il intervient aussi chez vous comme chez moi. Et dans ces cadres-là, il doit voir tout l'environnement de son installation. Donc, voir si le flexible de la cuisine, par exemple, est dans les normes, s'il a un thermostat d'ambiance. Ça, c'est fourni. C'est dans le forfait. Après, il faut aussi donc éventuellement avoir un abonnement pour si les pièces sont à changer, etc. C'est ça? Sur la chaudière. Voilà. C'est combien à peu près un entretien? Un entretien, une moyenne en P2, ce qu'on appelle plusieurs types de contrats d'entretien. Ça va de 130 euros, grosso modo, à 200 euros en fonction.

Allez, tout de suite, on va prendre des nouvelles du ciel. C'est l'heure de la météo avec Valentin Mailloux. Bonjour Valentin. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et ce samedi, retour d'un temps plus calme sur le sud. Mais le nord-ouest reste sous un ciel chargé, parfois humide. Le temps est déjà bien ensoleillé, donc des côtes aquitaines à la Méditerranée et sur les Alpes. Sur le reste du pays, c'est pour le moment très nuageux ce matin. Des averses en ce moment sur la Bretagne et les côtes atlantiques. Ces averses vont gagner le pays, les pays de la Loire et la Normandie cet après-midi, prenant parfois un caractère orageux. Et puis le vent qui souffle en rafale jusqu'à 70 km/h. Ailleurs, cet après-midi, c'est le beau temps qui va globalement s'imposer avec un ciel bien ensoleillé des frontières du nord-est aux Pyrénées. La Corse gardera un temps plus chargé avec des risques d'averses. Demain dimanche, même type de temps avec une bonne partie du pays sous le soleil, mais toujours ces averses orageuses sur le nord-ouest. Et puis les températures cet après-midi, 15 degrés à Brest et Cherbourg, 16 au Havre. Il fera 17 à Lille et Nantes, 18 à Paris et Strasbourg, 19 pour Lyon, 20 pour Perpignan, 21 à Marseille, 22 pour Ajaccio et Bordeaux, et puis 23 degrés à Montauban. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, cyclisme, championnat du monde sur route d'âme. 16h15, rugby, Coupe d'Europe, Leinster Castres et Toulon Saracens. Suivi à 18h30 des autres rencontres. Et dès 20h, football, 9e journée de Ligue 1. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC, il est tout juste 10h, dans un instant, le début des grandes gueules du sport. En attendant, c'est l'heure des infos. Alexandre de Saint-Aignan est là. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Trois mois après l'attentat, Nice se souvient. Aujourd'hui, une cérémonie d'hommage national est organisée en mémoire des 86 victimes tuées par un terroriste au volant d'un camion sur la promenade des Anglais. Il y aura beaucoup de monde pour assister à cette cérémonie présidée par François Hollande. Famille, blessés et personnes présentes le soir du drame. Ils sont en train d'arriver sur place. Vous êtes sur la colline du château, sur les hauteurs de Nice. Ils offrent une vue sur la promenade des Anglais. L'émotion est forte, Elodie Messager. Oui, nous sommes à une heure du début de la cérémonie. Les familles de victimes commencent à s'installer dans les gradins. Les visages sont graves, l'émotion est palpable. Trois mois après cet hommage est une étape nécessaire dans leur processus de reconstruction, une forme de reconnaissance aussi de leur statut de victime. C'est ce qu'elles m'ont confié. Mais évidemment, là, le fait de se retrouver ensemble ravive cette peine immense d'avoir perdu leurs proches. D'ailleurs, certaines personnes ont les larmes aux yeux, d'autres pleurent. Mais en même temps, ces victimes et proches de disparus discutent entre eux. Ici, certains attendent également un discours de paix, de fraternité du président de la République. C'est important pour elles. Elles recherchent une forme d'apaisement. Mais le discours qui sera probablement le plus touchant sera celui de Cindy, qui a perdu 6 membres de sa famille dans l'attentat du 14 juillet. Élodie.